Tout de suite, sur France Culture, du lundi au vendredi, une proposition de Perrine Kervran avec Marie-Vonne Abolivier, LSD passe à l'heure d'été. En canoë, en pédalo ou seul au boulot, en randonnée pour la plage, tranquille dans la ville ou perdu dans la foule, 53 minutes de nouvelles écoutes choisies dans la série documentaire. Cette semaine, des virus suivis à la trace. Une série de Michel Pomarède, réalisée par François Teste. Au départ de cette série, il y a des épidémies légendaires et la peur des virus, microbes et bactéries qui sont partout et invisibles, inoffensifs ou redoutables sur nos mains, nos proches ou les poignées de porte. Et il y a 2013 et l'arrivée du virus Ebola avec la mort et la paranoïa. Alors pour commencer, les personnages. Une autrice qui fuit le réel, des humanitaires en combinaison, une photographe qui regarde les guéris, des historiens de la médecine, un virologue contre le temps perdu et des anthropologues. Ensuite, le décor. Une rivière pas loin d'un village, des chauves-souris, des singes, un manguier, des chansons pour convaincre, la Guinée, la Sierra Leone, le Liberia et les politiques d'austérité contre les systèmes de santé. Aujourd'hui, deuxième épisode, message d'intérêt général. Des virus suivis à la trace. Ebola, c'est une maladie très grave. Ebola, ce n'est pas une maladie pour rire. Ebola, c'est une maladie réelle. La Croix-Rouge est une organisation qui aide les gens. Les volontaires de la Croix-Rouge sont là pour conduire les gens à l'hôpital. Les volontaires de la Croix-Rouge sont là pour enterrer les corps. C'est pour cela que nous faisons ce travail. Ebola, c'est une maladie très grave. Que faire contre les mensonges? La Croix-Rouge ne s'est pas entendue avec les Blancs pour vous tuer. Ebola, 40 ans d'épidémie. Michel Pomarède, François Teste. République démocratique du Congo, à 1000 km au nord de Kinshasa, coule une petite rivière qui s'appelle Ebola. C'est là aussi que se dresse un village qui s'appelle Yamboukou. C'est là qu'en août 1976, des gens meurent d'un mal étrange. C'est là que deux médecins spécialistes en virus arrivent. L'un est hollandais, s'appelle Peter Piot, l'autre est congolais, s'appelle Jean-Jacques Miombe. Et ces deux hommes vont ramener en Europe, dans un thermos, des prélèvements de sang qui contiennent le virus qu'on va nommer du nom de la rivière Ebola. Octobre 1976, un autre médecin spécialiste en virus, Frédéric Murphy, fait une photo de ce virus Ebola. Livia Saavedra, est-ce que vous pouvez nous commenter cette photo? Alors, c'est une photo en noir et blanc qui ressemble à un serpent. Une photo sous microscope qui a l'air très anodine en apparence. Ebola, famille des filovirus. Filovirus car au microscope, il ressemble à des fils entremêlés. Les chercheurs avaient déjà repéré 20 ans plus tôt un virus semblable. En 1967 en Allemagne, sept employés d'un labo pharmaceutique de Marbourg étaient morts dans d'atroces souffrances. Ils avaient manipulé des singes contaminés. Avec d'infinies précautions, les chercheurs, notamment ici au Centre de contrôle des maladies d'Atlanta, essayaient d'en percer le mystère. Le virus, lui, allait frapper à nouveau. Ces nouveaux cas suspects de fièvre Ebola, ils ont été détectés cette fois au Liberia. 5 personnes sont mortes de fièvre hémorragique dans le nord du pays, tout près de la frontière avec la Guinée, d'où la maladie est partie. Paul Constant, vous êtes auteur, vous êtes écrivain, et l'année dernière, vous avez écrit une fiction intitulée « Des chauves-souris, des singes et des hommes ». Racontez-moi la genèse de cette fiction basée sur l'épidémie d'Ebola. Un peu naturellement, je me retrouve dans le monde d'Ebola. Alors, très simplement parce que mon mari est un très grand spécialiste ou le grand spécialiste des maladies infectieuses. Et qu'il écrit tous les jours plusieurs dépêches vers l'Institut Pasteur, vers les grandes compagnies d'assurance, vers des médecins spécialisés sur l'état des maladies infectieuses, j'allais dire, heure par heure dans le monde. Donc j'ai vu naître Ebola dans mon salon à Aix-en-Provence, quand au petit déjeuner le matin, il me disait avant d'écrire où en était Ebola. Et alors ça commence toujours parce qu'on a eu, on a vécu ensemble le sida, on a vécu ensemble toutes les épidémies. J'ai vécu physiquement en Afrique les grandes pandémies de choléra. Ça commence toujours, il y a une nouvelle maladie. C'est inquiétant, il y a tant de morts, je crois que c'est très grave. Et quand Ebola a commencé, j'allais dire, dans le salon de chez moi, on pensait que ça allait faire 500 000 morts. Donc il m'annonce cela et il me le racontait au jour le jour. Et à la fois j'étais submergée de détails tout à fait scientifiques, de lieux précis, des noms des virus, leur résistance à ceci, la façon dont le malade se comportait, la façon dont on approchait le malade. J'étais absolument, non seulement j'avais les indications, des indications scientifiques très très pointues que mon mari me donnait, mais encore à la télévision, on était submergé par des images. Il n'y avait jamais eu autant d'images sur une épidémie, jamais autant. Et qu'est-ce qu'on voyait ? On voyait des gens en scaphandre jaune et on voyait des gens qui étaient les soignants et on voyait les victimes se tordre de douleur ou être abandonnées dans la rue. On voyait les femmes séparées des enfants et donc j'étais submergée. Et à un moment donné, c'est trop et on a besoin d'effacer tout ça, d'éteindre la télévision, de ne plus entendre. Et il n'y a qu'un seul moyen de s'en sortir, c'est la fiction. Pour la troisième fois de la journée, les équipes d'intervention d'urgence Ebola sont appelées dans la capitale Monrovia. Une femme âgée s'est effondrée, morte, en pleine rue. Seuls des tests permettront de déterminer si elle avait contracté le virus. Mais les services de santé ne veulent prendre aucun risque. La zone est immédiatement désinfectée et le corps emporté. Bertrand Draguès, donc, vous êtes responsable médical, Médecins sans frontières, à Bruxelles. On est en janvier 2014. Une mission exploratoire revient de Guinée. Qu'est-ce que vous mettez en place ? Comment ça se passe à ce moment-là ? On a des scénarios, différents types de scénarios, lorsque le diagnostic est posé de ces maladies hémorragiques. Et donc, à partir de ce moment-là, il y a un envoi d'équipe sur place. Et ce sont des gens qui ont l'habitude de travailler dans ce contexte-là. Ce sont des gens qui ont, depuis, je dirais, 1995, qui est la première épidémie sur laquelle on a travaillé à Kikwit en DRC, et on a commencé à construire cette expertise à partir de ce moment-là. Et donc on envoie ce qu'on appelle des experts qui sont à même d'avoir les beaux gestes et les bonnes réactions par rapport à ce type de maladie. Si quelqu'un meurt autour de vous, la première chose à faire, c'est d'appeler le ministère de la Santé, car ils forment des gens pour ramasser les corps dans les rues. Une fois contactés, ils vont envoyer une équipe d'intervention d'urgence pour ramasser les corps et préserver la vie des autres. La composition de l'équipe, il faut la voir en plusieurs secteurs. Il y a d'abord ce qu'on appelle les cliniciens, donc ce sont ceux vraiment qui traitent les malades. Donc ça, c'est une partie de l'équipe. Ensuite, nous avons ce qu'on appelle les responsables de l'assainissement, donc la gestion des corps. Donc on a toujours un, ce qu'on appelle un WHATSAN, donc Water Health Sanitation, donc quelqu'un qui est vraiment spécifiquement dédié à la gestion de l'assainissement des déchets et des corps, et également une personne liée à tout ce qui est l'anthropologie, puisque le problème est que quand vous avez ce type d'épidémie qui arrive pour la première fois de l'histoire dans cette région-là, la réaction de la population face à cette maladie est extrêmement différente d'un endroit à l'autre du monde. Donc on ne peut pas avoir, si vous voulez, une expertise spécifique pour l'anthropologie médicale au Congo qui va être exactement la même en termes de messages qu'on va passer à la population en Guinée. Et donc on a envoyé une personne spécifiquement qui a réfléchi sur le type de message et la compréhension. Alors en anglais on appelle ça le health seeking behavior, comment est-ce que la personne va se comporter par rapport à l'annonce de cette maladie. Les gens n'ont jamais vu ça dans le quartier, c'est la première fois qu'ils voient ça, donc ils sont paniqués, ils ont peur. Les gens viennent et disent c'est Ebola, ce qui nous embrouille. On ne sait pas ce qui se passe, il faut que le gouvernement nous rassure. Le gouvernement envoie également des travailleurs sociaux pour conseiller les familles endeuillées. Mais la priorité reste la protection des populations. Alors, qu'est-ce que je savais d'Ebola des commencements d'Ebola ? Je savais que le premier mort d'Ebola de l'épidémie, de la dernière épidémie, était un enfant de 2 ans qui s'appelait Émile, qu'il était dans un village que je ne sais pas très bien situé. Ce village se trouve près d'une rivière et près de cette rivière, il y a un bac. De l'autre côté de la rivière, mais un peu plus loin, il y a une communauté de religieuses belges. J'allais dire qu'ils ont résisté à une première épidémie d'Ebola. En fait, non, ce ne sont pas des survivantes. Elles ont remplacé une communauté religieuse qui a été exterminée par l'Ebola. Je pense qu'il y a eu 13 religieuses sur 16 qui sont mortes. Donc j'avais ces indications. Les indications scientifiques qui étaient données un petit peu comme « c'est pas sûr, ce n'est pas sûr », on pense que c'est donné par une chauve-souris, que les singes qui avaient disparu, je pense aux gorilles, qui avaient disparu dans la région, avaient été infectés. Par quoi ? Par les chauves-souris. Pourquoi des chauves-souris ? Bon, ben les singes, ils aiment bien croquer de temps en temps une chauve-souris. Et puis, on m'apprend que tout ce que sécrète la chauve-souris est porteuse de virus, c'est-à-dire aussi bien ses fientes, sa salive. Donc, un fruit touché par une chauve-souris et mangé par un singe pourrait donc donner l'Ebola au singe. Bon, ensuite, il faut passer à la contamination humaine. La contamination humaine, c'est toujours très, très, très dangereux de passer du singe à l'homme. De toute façon, la façon dont on passe du singe à l'homme, c'est simplement par la nourriture et la fameuse viande de brousse. C'est le plus simple, on ne va pas chercher plus loin. Donc, j'ai ma trame, les chauves-souris, les singes, les hommes, ce bébé qui est mort il y a 2 ans. Pourquoi lui meurt ? Il a bien une mère et je savais qu'il avait une sœur. Et donc, je commence une fiction qui est dont la trame, c'est la rivière, qui s'appelle Ebola. En fait, on saura que la fièvre n'a pas démarré sur cette rivière, qu'on a donné le nom de la rivière à la fièvre pour ne pas stigmatiser les habitants du village dont on connaît le nom. Le temps du livre, c'est le temps des contaminations. Elles vont entre une semaine et 15 jours, 3 semaines. Donc il a fallu que je fasse différentes sortes de contaminations pour donner une sorte d'accélération au livre. Puis j'avais envie que la contamination aille jusqu'à la ville, donc il va suivre la rivière, par l'intermédiaire d'un vendeur d'objets de machin. Et donc moi, mon vendeur de fripes, il vend en plus la peau d'un gorille, qui la porte de village en village. Et puis il arrive avec la peau du gorille en ville et il la perd. Et la ville, c'est des villes à 12 millions d'habitants et la peau du gorille navigue dans la ville. Et donc, les villes maintenant, ce sont des gares routières qui partent partout et c'est des aéroports où il y a un avion toutes les secondes qui part pour le monde entier. Et là, on arrive juste au seuil d'une sorte de contamination internationale en étant parti d'un simple manguier et d'une chauve-souris qui tombe d'un manguier. La fièvre Ebola continue à se propager. Guinée, Sierra Leone, Libéria et ces cas importés au Nigeria et au Sénégal. 500 nouveaux malades cette semaine pour un total de 3000 personnes infectées. Moi, je suis Cher Mbaye, donc je suis chez Ouahad depuis le début. J'étais chez Médecins Sans Frontières. Ouahad, donc Women Health International Alliance. Voilà, Women and Health Alliance International. Donc, les femmes et la santé dans une alliance internationale. Voilà. Quel est votre rôle exact ? Je suis un peu polyvalent, on va dire quoi. Mais principalement, ma fonction, c'est de faire ce qu'on appelle le support opérationnel. Faire de sorte que l'opérationnel, qui est le cœur de notre métier, que toutes les missions puissent s'appliquer, être implémenté en toute tranquillité. Décembre 2013, Guinée, premier cas Ebola. Qu'est-ce qui se passe ici à Aboua? Alors, notre histoire avec la Guinée, elle date de bien avant Ebola. Donc, nous y avons des missions, nous y avons travaillé depuis 2010 pratiquement. Et donc, moi, j'y allais régulièrement. On était en appui à l'hôpital Ignace Dine, qui est l'hôpital principal de la ville de Conakry. Il s'est trouvé que quand l'épidémie commençait, moi j'étais là-bas. Et j'étais à l'hôpital quand j'ai entendu qu'il y avait un enfant qui était mort bizarrement. Et donc voilà, tout de suite nous on se posait des questions. À cette époque-là, il y avait une cellule de crise au ministère de la Santé. Moi, je connaissais les gens qui étaient là-dedans. Et donc, l'idée du gouvernement guinéen, parce que faut comprendre que c'est pas évident, c'est pas facile pour un gouvernement, de voir une maladie bizarre arriver. Et ils voulaient pas qu'on communique dessus. C'est MSF qui, et puis de manière très, très, très agressive, communiquait sur, voilà, il y a un problème ici, il y a une maladie qui existe, c'est une maladie dangereuse, et donc c'est quelque chose. Mais le ministère a refusé parce que il y avait des implications politiques, économiques qui sont derrière. Samuel Henrion, vous êtes le responsable presse pour Médecins Sans Frontières en France. Décembre 2013, premier cas d'un enfant contaminé peut-être par Ebola, parce qu'à l'époque on ne le sait pas, en Guinée. Qu'est-ce qui se joue en termes de mobilisation, en termes de communication au sein de MSF ? On le dit dans les médias, hein, on le dit par voie de presse, on le dit par voie de communiqué. Je me rappelle aussi une interview qui avait été donnée par le directeur général Christopher Strokes auprès de Reuters à Dakar, qui avait fait beaucoup de bruit et sur lequel on insiste sur l'aspect sans précédent de cette épidémie. On est connu, je dirais, MSF pour le speaking out, c'est-à-dire souvent plutôt que les discussions, je dirais, feutrées dans les corridors ou les arrière-champs, je dirais, des lieux de pouvoir. On préfère parfois s'adresser directement à l'opinion publique et aux décideurs par la voie médiatique. Et c'est clairement ce qui a été fait très rapidement sur Ebola. Après, la difficulté auquel on va pouvoir être à un moment confronté, c'est entre ces messages alarmistes qu'on déploie sur la scène internationale, mais qui sont aussi écoutés localement. Et notamment quand on est très clair aussi, je dirais, sur nos peurs, nos angoisses et notre dénuement, et sur le fait qu'il y a beaucoup de patients qui meurent au niveau de nos centres de traitement Ebola, ce qui va avoir aussi des répercussions sur la manière dont la maladie est perçue dans nos pays d'intervention. À quel moment le mot Ebola est prononcé par les autorités guinéennes ? Oh là, c'était presque fin 2014, vers... Un an après ? Presque quoi. Pendant un an, ce qui s'est passé, c'est que c'était MSF qui... Il n'y avait pas que MSF. Les médias du monde entier racontaient qu'il y avait une épidémie d'Ebola née à Conakry, enfin dans la région de la Guinée forestière. C'était ça, c'était là le challenge où il y avait, d'accord. C'est que les médias avec MSF qui donc faisait son plaidoyer montrait, disait qu'il y avait Ebola. Mais est-ce qu'ils avaient raison de le faire? À cette époque-là, oui. La façon dont ils le faisaient, moi j'étais pas très d'accord, j'étais là-bas avec eux, je disais c'était pas comme ça, mais ils avaient raison. Parce que c'était de par cette façon-là qu'ils ont réussi à mettre justement le gouvernement et les autorités devant leurs responsabilités. D'ailleurs, c'est ce qui a fait que la situation s'est compliquée justement en Guinée-Conakry, parce que une ONG, donc des organisations externes qui arrivent dans les villages, dans des endroits où les gens sont très malades, où il y a des gens qui sont en train de mourir, donc qui sont extérieurs, qui arrivent et donc qui sont en train de donner des soins palliatifs et que le gouvernement a du mal à soutenir cette approche, ça crée des problèmes. Et donc c'est de là d'où vient justement le fait qu'en Guinée, il y a eu beaucoup plus de résistance que dans les autres pays. C'est quand justement le président Alpha Condé a pris les choses en main, qu'il a mis en place justement cette cellule de lutte qu'il a, avec un décret qu'il a lui-même signé directement de la présidence, pour dire qu'il a vu l'ampleur de la chose. Des Guinéens estiment que le virus est une invention du gouvernement pour faire oublier les autres problèmes du pays. Certaines croyances populaires affirment également que la maladie a été importée par les Blancs pour tenter d'éradiquer la population africaine. Quand les équipes ont commencé à intervenir et monter les premiers centres de traitement Ebola et aussi aller chercher les personnes qui étaient malades, c'est vrai que c'était très violent et l'objet de fantasmes. On nous accusait par exemple de vouloir subtiliser le sang, d'être lié à du trafic d'organes. Il y avait beaucoup d'accusations irrationnelles. Après, il faut se rappeler hein, les comment on était habillé avec ces tenues de cosmonautes, je dirais, pour protéger nos personnels. Et tout ça a été très mal perçu dans un premier temps, et pas seulement les équipes MSF. Hein. Donc les équipes des fois recevaient des jets de pierre. Je me rappelle aussi avoir discuté avec un promoteur de santé guinéen qui me racontait comment une fois, alors qu'il ramenait des corps qui étaient emballés pour protéger la population et les personnes qui devraient faire derrière les rites funéraires, tout d'un coup ils se sont aperçus qu'ils étaient encerclés par les villageois. Un arbre a été coupé pour empêcher la voiture de faire marche arrière, et les personnes leur demandaient d'ouvrir les sacs et les menaçaient physiquement, leur demandant d'ouvrir les sacs pour vérifier que c'était bien les défunts qui étaient dans ces sacs. Au départ, ce qu'il faut comprendre, c'est là où il y avait un problème justement avec MSF, c'est que quand on vient dans un pays comme ça, avec une culture si particulière, surtout une relation avec la maladie assez spécifique, donc ce qu'on a cherché à faire, c'est de parler d'abord avec des anthropologues pour comprendre comment communiquer avec les populations. Donc on a commencé, nous, par mobiliser les communautés, déjà par Conakry. On est parti voir les relais communautaires, les chefs de quartier, les imams. Nous étions les premiers à aller mobiliser les imams et à inclure dans les prêches, parce que chaque vendredi, les imams, ils font des prêches. On les a formés pour parler de ça aux populations. Vous leur disiez quoi? Ils prêchaient sur quoi? Alors, ce qu'il faut savoir, c'est juste que Ebola, c'est une maladie appelée la diarrhée des mains sales. C'est-à-dire que c'est quelque chose qui se propage très vite, mais par contact direct. Donc, si on évite les contacts, si on se lave les mains... Moi, j'étais là-bas et comme musulman, j'allais tous les matins prier à la mosquée. Et qu'est-ce qui est arrivé? Et c'est là où, avant même Ebola, je me posais la question. Parce que vous avez environ 80 personnes dans une mosquée. Et quand on priait le matin, tout le monde se serrait la main. Vous vous rendez compte de ce que ça peut faire comme transmission possible. Et donc, on a commencé par dire que se serrer la main, c'est pas une obligation. On peut dire bonjour, comme ils disent chez eux, la paix à vous. Ebola, c'est quoi? Ebola, c'est un virus. Le virus, c'est une chose qui entre dans nos corps et nous rend malades. Alors, si vous vous sentez malade, le plus tôt vous êtes au courant de la cause, vous allez vite avoir les meilleurs soins médicaux et vous aurez beaucoup de chances de guérir. Ebola était dans les familles. Donc il fallait aller dans les familles, il fallait dans les communautés pour essayer de l'endiguer, puisque c'est juste de la transmission. Vous avez dit que vous aviez été sur place depuis 2010. Est-ce que vous pourriez me décrire l'état sanitaire de la Guinée? Comment fonctionnent les hôpitaux? Comment fonctionne le ministère de la Santé? Et est-ce que MSF n'a pas rempli un vide? Voilà, donc ça c'est pour ça que je rends hommage à MSF, à ce niveau-là. Parce que, on le sait, la plupart de ces pays-là, ils ont des systèmes de santé qui sont faibles, on va dire. Et c'est là où le bât blesse. La preuve, il y a eu énormément de personnels de santé qui ont perdu la vie avec ça. Simplement parce que le personnel n'était pas très formé. Vous entrez, par exemple, à l'hôpital Ignace Dine, il y avait, quand on est arrivé, nous, il y avait au moins 12 entrées dans l'hôpital. Les gens, ils rentraient, ils sortaient comme ils voulaient. La première chose que nous avons fait, c'est de fermer toutes les issues en laissant un seul possible, une seule entrée, une seule sortie. Et cette entrée et sortie, nous y avons mis un système de triage. Au départ, il n'y avait pas ça. Donc, on a perdu un an à mélanger les gens ensemble. En plus, le message qui était passé, c'est que Ebola, il n'y a pas de médicament dessus. Vous l'avez, vous allez mourir. Et quand même le gouvernement l'a pris officiellement au départ, c'était ce message-là. Les populations se disent, si je dois mourir, pourquoi je vais aller dans ce centre-là? Je reste avec mes proches et puis je meurs. Et c'est là où ils ont commencé à cacher les morts, etc. Parce qu'ils ne voulaient pas. Mais c'était en réaction, justement, à cette non prise en compte de la culture des gens. On sait que le mort, chez nous, c'est hyper important. En Afrique, quand vous allez là-bas, quelqu'un qui est mort, s'il n'a pas le soutien de sa famille, s'il n'a pas tout le village qui se mobilise, c'est très grave pour nous. Donc, quand vous allez vous enlever ça de la population, il y a un vrai problème qui reste là-dedans. L'Afrique est pleine de tristesse, de voir nos familles mourir. Ne touchons pas nos malades, ne touchons pas nos mourants. Tout le monde est en danger, les jeunes et les anciens. Il faut agir pour nos familles. Ebola, Ebola, invisible ennemi. Ebola, Ebola, invisible ennemi. Samuel Henrion, en 2015, vous sortez un CD Stop Ebola. On n'a pas trop entendu en France vos chansons. Est-ce qu'elles ont eu un impact local? Et le message, c'était quoi? Je ne sais pas si elles ont eu un impact local. Je pense que oui, d'autant plus qu'elle a donné lieu à différentes animations ensuite sur place. L'idée venait pas des MSF, elle venait d'un collectif de musiciens, dont Tiken Jaffa Coli, Salif Keïta, qui eux partaient d'un constat. Ils estimaient que des voix africaines légitimes et reconnues, notamment par la jeunesse urbaine, auraient plus de poids que des voix plus institutionnelles. Et leur message clé, c'était « Fais confiance au docteur ». Et c'est un message qui, effectivement, était complètement d'actualité, puisque la question de la confiance a été primordial tout au long de l'intervention. Il faut voir le docteur, Ebola, ce n'est pas bon. Allez voir le médecin. Ebola, Ebola, invisible ennemi. Ebola, Ebola, invisible ennemi. Jean-François Delfraissy, vous êtes président du comité d'éthique. Vous êtes directeur de l'Agence nationale de la recherche contre le sida. Et en 2014, vous êtes nommé par le gouvernement Monsieur Ebola. Monsieur Ebola, ça voulait dire quoi concrètement dans votre emploi du temps et vos missions? En fait, j'ai été nommé mi-octobre 2014. Et il faut replacer ça dans le contexte de l'époque. Je m'étais lancé dans Ebola avec retard, d'ailleurs. On parle toujours du retard de l'OMS. Il y avait aussi le retard de Delfraissy. Puisque vous savez que c'est une équipe INSERM du P4 de Lyon qui a isolé le virus Ebola en avril 2014. On s'est interrogé, nous, au sein de la structure qui s'occupe de la recherche en situation d'urgence au sein de l'INSERM, s'il y avait des questions de recherche qui se posaient. Et l'ensemble des experts a trouvé qu'il fallait attendre. Et c'est en plutôt fin juin, donc avec un certain décalage, je me suis dit, mais c'est pas possible, on est en train de déconner. Et que j'ai lancé toute la réflexion sur le montage de questions de recherche sur Ebola. Donc, mois d'août, mois de septembre, 70% de mortalité, toutes les structures complètement débordées sur les trois pays, et nous, moi, un premier voyage en Guinée au mois d'août. Je connais assez bien l'Afrique parce qu'on a les sites à NRS, mais là j'ai découvert un pays qui était sur les genoux. La Guinée. Oui, la Guinée qui était bon, et c'était vrai sur la Sierra Leone et le Libéria. On était assaillis par les journalistes. C'est le moment aussi où les premiers cas, où les suspicions de cas d'Ebola sont arrivées dans les pays du Nord à partir de soignants ou de contacts de soignants. Où donc a commencé à se monter une certaine panique dans les pays du Nord. Ebola va être une épidémie mondiale, entre guillemets. Et puis très vite, on s'est aperçu dans les premiers jours d'octobre qu'il fallait une coordination. Et donc là, tout s'est débloqué. On est quand même dans un pays comme la France où beaucoup de choses partent encore de l'Élysée. Et la France a considéré que c'était un de ses enjeux majeurs, et elle a eu raison d'ailleurs. On nous confiait, sans le dire, mais on nous confiait quand même la Guinée, et il fallait assumer la Guinée. Bon. Et donc, à partir de là, j'ai eu les financements et on a pu s'organiser. L'épidémie est une urgence de santé publique de portée mondiale. C'est l'Organisation mondiale de la santé qui le décrète. Et pour arrêter la propagation d'Ebola, l'Afrique de l'Ouest a besoin d'une réponse internationale. Les pays affectés par le virus Ebola aujourd'hui n'ont simplement pas la capacité de faire face à l'épidémie tout seul. Au début, on pensait qu'il y avait un devoir d'information qui était important. J'ai tout arrêté. Et on a fait ça en faisant des conférences de presse qui faisaient le point, en partenariat avec le ministère de la Santé. Et au début, on avait une conférence de presse toutes les semaines, puis ensuite on est passé tous les 15 jours. Mais c'était nous qui étions maîtres du jeu, et on n'était plus dans la réaction à l'instantanéité. Est-ce qu'on peut faire un comparatif entre la gestion de crise d'une épidémie mondiale comme Ebola, avec des points de presse toutes les semaines ou tous les 15 jours, et des attaques terroristes ? Alors, on est dans des choses évidemment très différentes. Si vous me poussez dans mes retranchements, je revendique que la notion de crise sanitaire doit s'inscrire dans l'échelle des crises. Tout le monde comprend qu'il y a les crises terroristes. Tout le monde comprend les crises financières. Tout le monde comprend une crise liée à un événement climatique. Puis la crise sanitaire, les politiques, jusqu'à maintenant, mais ils viennent de changer avec Ebola et Zika, considéraient que c'était une affaire pour les médecins, que c'était une réponse médicale. On sait très bien que ces crises, qui sont des crises médicales au départ, deviennent très vite, ces crises sanitaires, des crises sociétales et des crises politiques. Donc je ne dis pas qu'elles sont plus importantes que les autres crises. Mais en tout cas, par exemple, je réclame que dans les cours qui sont faits à Sciences Po pour former les jeunes générations sur la notion de crise en général, eh bien la crise sanitaire soit dans l'échelle des crises, soit mise quelque part, et qu'il y ait de la réflexion, de la conceptualisation, pour savoir comment on passe, comment on la prépare, qu'on n'y répond pas seulement au moment de la crise, mais qu'on essaie de l'anticiper. On est en train, dans un temps évidemment différent, on est en train de conceptualiser cette idée. Cette épidémie sans précédent a déjà fait près de 1000 morts au Libéria, en Sierra Leone, en Guinée et au Nigeria. L'OMS a encouragé les pays touchés à décréter l'état d'urgence. C'est déjà le cas en Sierra Leone et au Libéria, où des mesures exceptionnelles ont été prises. En fait, c'est moins les messages de communication qu'on a pu faire, soit à l'international ou localement, parce que dès le départ, en fait, on a travaillé avec les radios locales, on a travaillé avec les radios nationales, on a fait des spots, on a fait des messages de sensibilisation. Mais sur Gekedu, en fait, c'est à partir du moment où il y a des patients qui sont ressortis guéris et qui ont pu retourner dans les communautés, et témoigner de la manière dont ils avaient été pris en charge, qu'on a gagné peu à peu la confiance, village par village, des habitants. Livia Saavedra, vous n'êtes pas spécialiste en virus, vous n'êtes pas scientifique, vous êtes photographe, et vous, presque 40 ans après Frédéric Murphy, qui photographie le virus Ebola, vous partez en octobre 2014 en Guinée, non pas pour photographier le virus, mais pour voir les effets du virus sur des gens qui ont été malades et qui sont des survivants. Pourquoi vous décidez d'aller sur place ? En fait, c'est l'ONG Waha International qui m'a proposé de partir en Guinée en septembre 2014. Le voyage s'est fait en octobre, c'était au moment le plus anxiogène au niveau des médias sur l'épidémie. Et effectivement, c'était un sujet qui n'était pas du tout traité. On ne traitait que la partie la plus effrayante de la maladie. Et on ne voyait absolument que des photos d'hommes et de femmes habillés en combinaison jaune. Et on ne parlait que des morts. Et il y a quand même, je crois, à peu près 40% des gens qui survivent. En moyenne, je trouvais ça très intéressant finalement d'essayer de montrer un autre aspect de cette crise et d'essayer d'y aller à un temps et demi des médias. Par exemple, la toute première jeune femme que j'ai interviewée, c'est une jeune fille de 23 ans, avec qui j'ai encore des contacts maintenant. Et elle m'expliquait qu'en fait, ses voisins avaient fermé les volets qui donnaient sur sa maison et que plus personne ne lui parlait. Elle avait perdu une très grande partie de sa famille et elle se retrouvait à s'occuper de son petit frère. Donc, et toute sa vie a été détruite. Elle a perdu toute chance de mariage. Ses études, elle a dû arrêter ses études. En fait, ces gens-là ont vu leur vie en quelques jours complètement détruite. C'est devenu une pestiférée. Et puis, il y a cette idée qu'ils apportent le mauvais œil, en fait. Il y a beaucoup de superstitions sur cette maladie, et encore maintenant. Est-ce que vous avez une photo de cette première jeune femme? C'est Fatoumata et son petit frère Mamadou. Là, c'est une photo que j'ai prise en janvier 2016. Voilà, c'est elle. Donc, c'est une assez jolie jeune femme, avec un t-shirt en forme de cœur. En fait, quand elle a su que j'allais la prendre en photo, elle est allée se changer. Et elle a mis un beau t-shirt. Et il y a son petit frère à côté, qui a les yeux perdus dans le vague, qui a, je crois, 5 ans à cette époque-là, 4-5 ans. Et elle, elle doit avoir 21 ans. Ce sont des parents qui sont venus du Sierra Leone qui l'ont contaminée. Et il y a son grand frère et 5 membres de sa famille qui sont décédés. Et elle a dû prendre en charge son petit frère. Livia Saavedra, vous rencontrez Fatoumata qui est malade en septembre, vous la rencontrez 2 mois après. Est-ce que vous prenez des précautions avant de la rencontrer? Est-ce que vous dites, mais qui me dit qu'elle est guérie? Non. Pour moi, en fait, les personnes qui étaient guéries n'étaient plus contagieuses. Et elles ne le sont toujours pas, en fait. Après, évidemment, on passait son temps, tout le monde passait son temps à se laver les mains avec du gel hydroalcoolique. Mais Fatoumata ne représentait pas pour moi un danger, non. Elle incarne la résilience dans le sens où elle a survécu. Mais elle a survécu pour vivre un enfer. Et beaucoup me le disaient, être malade était moins difficile que d'être guéri une fois revenu dans la société. Beaucoup souffrent de dépression et de choc post-traumatique, dans le sens où déjà ils ont perdu une grande partie de leur famille. Et où ils ont vu leur vie entièrement bouleversée. Et Fatoumata souffre aussi d'uvéite. C'est une inflammation oculaire qui rend ses yeux très sensibles à la lumière. Et quand ses yeux ont commencé à devenir rouges, elle a commencé à avoir très peur que ses voisins le voient et que ce qu'elle avait réussi à regagner en relation avec l'extérieur soit mise à mal à nouveau. De quoi vit Fatoumata? Fatoumata est devenue sensibilisatrice à MSF. Je pense que comme ces personnes étaient guéries, et donc à cette époque-là, on pensait qu'ils ne risquaient plus de retomber malades, on les faisait travailler dans les centres de traitement. Et, au contact des malades. Au contact des malades, et surtout pour les convaincre de rentrer au centre de traitement. Beaucoup pensaient que c'était en rentrant dans ces centres qu'ils tombaient malades et qu'ils n'allaient pas revenir. On leur disait qu'on allait leur donner la piqûre. Est-ce que la journaliste blanche arrivant avec un appareil photo était aussi source de peur pour ces malades ou ces survivants ? On n'était pas une source de peur, on était une source de colère et de méfiance. Est-ce que Fatoumata a vu les photos que vous avez prises d'elle? Oui. Qu'est-ce qu'elle a dit? Elle est toujours contente, mais c'est un peu une jeune fille, c'est un peu une jeune fille comme toutes les jeunes filles, en fait. Donc, elle se trouve pas jolie, En même temps, une photographe occidentale vient la prendre en photo, sa photo atterrit dans la presse mondiale. Est-ce que c'est une manière pour elle de se renarcissiser, même si peut-être elle n'emploie pas ce genre de terme? Je pense que c'est pour ça, plus que tout, que les gens acceptaient de poser pour moi. C'est que les voisins voyaient arriver une photographe blanche et qu'enfin, on leur donnait une importance. Donc c'était effectivement une façon de se renarcissiser. Mais c'est comme ça aussi chez les survivants, en fait, ils ont envie de montrer que ça y est, ils ont réussi. Et il y a une très grande fierté à poser, en fait. Et j'essaye de montrer ça. L'Ebola se manifeste comment? Vous vomissez beaucoup. C'est contagieux. Celui qui touche à vos vomissements est immédiatement contaminé. Vous avez la diarrhée. Celui qui touche à votre diarrhée est immédiatement contaminé. Vous dormez avec quelqu'un, seulement sa sueur, vous êtes immédiatement. Même si le chien mange votre diarrhée, il est contaminé. Il est contaminé. Eh bien, Mama Fouda, qui, je crois, a un dossier à la maïture. Cette histoire, je donnerais tout pour connaître son origine exacte. C'est peut-être un monde fait de souffrance. D'accord, c'est simplement l'envie de vivre. Roger Guillet de Kiki, le duc Roger, le grand maître de la radio s'installe dans votre vie. Roger Kiek de Kiki, mardi 15 novembre 2016, Soleil 104.fm, émission On refait l'actu. Donc c'est ce qui passe à ce moment-là dans votre 4x4, Guillaume Lachenal. Décryptez-moi ce message radiophonique. On est dans la veine un petit peu complotiste, mais je veux pas le dire d'une façon trop négative, de la presse africaine, ou en tout cas, on parle beaucoup de l'actualité mondiale, et là, en l'occurrence, d'Ebola, sur un mode qui remet toujours cette actualité mondiale dans le cadre des relations entre l'Afrique et le monde, qui sont des relations dont on sait la violence, la dimension inégale, etc. Et je pense que pour ça, ils sont très bons pour remettre ce contexte au centre. Là, en l'occurrence, l'émission évoque le fait que le ministre de la Santé camerounais, ce Mama Fouda, vient d'autoriser à l'époque un essai clinique de vaccination Ebola. Je crois que c'est un essai clinique de phase 1. Donc il s'agit simplement de tester la toxicité du vaccin Ebola. Des essais cliniques qui vont être aussi conduits en Europe et en France. Hein. Les animateurs traduisent ça en disant « on va inoculer le virus Ebola au Cameroun » alors qu'on était bien content qu'il soit pas arrivé. Et ça, c'est notre ministre qui va faire ça. Et donc là, il rentre dans quelque chose de très accusateur avec une dimension de politique intérieure un petit peu. Mais c'est un bon exemple, je crois, de toute cette épidémie là aussi de rumeurs, d'accusations qui a accompagné l'épidémie en Afrique, qui sont des rumeurs qui peuvent paraître comme ça un peu irrationnelles ou des sortes de croyances un peu bizarres, etc. Mais qui sont, je pense, des rumeurs auxquelles il faut prêter une oreille attentive, parce que, surtout quand on sait les insuffisances de la réaction des pays occidentaux à l'épidémie d'Ebola, quand on sait le contexte politique plus général qu'ont traversé les pays africains au XXe siècle, ces accusations, qui sont souvent faites sur un mode complotiste, elles ont une part de rationalité historique. Guillaume Lachenal, vous êtes historien de la médecine, rattaché à l'université Paris 7 Diderot. En septembre 2014, vous écrivez une tribune qui fait un peu de bruit. On est quasiment 10 mois après le démarrage d'une nouvelle épidémie d'Ebola en Guinée en décembre 2013. Quel est le titre de cette chronique et quelle est la motivation derrière elle ? Chronique d'un film catastrophe bien préparé. Ça, c'est le titre. La motivation, bah, c'était un peu... un peu d'énervement, comme beaucoup de gens, en fait, beaucoup d'observateurs du domaine, un peu d'impatience par rapport à ce qui se passait dans l'épidémie d'Ebola. En septembre 2014, c'est vraiment le tout début de la réaction internationale après un printemps et un été d'atermoiement. Et puis, c'était un énervement par rapport à la façon dont on présentait la catastrophe. Et moi, ce qui m'intéressait, c'était de remettre cette catastrophe dans le contexte des deux décennies qui précédait et des deux décennies d'action sanitaire internationale en Afrique, qui, c'était un peu la thèse de la tribune, qui, d'une certaine manière, ont préparé ce désastre. Voilà. La crise actuelle n'est pas un cauchemar qui se réalise sous nos yeux, comme dans les films catastrophes. Elle n'est pas une anomalie ni un accident qui aurait pris de court les organisations sanitaires. Elle n'est pas, pour reprendre la langue de bois diplomatique, un défi organisationnel, financier et politique lancé à la communauté internationale et aux humanitaires. C'est dans l'autre sens qu'il faut le dire. La crise Ebola est le produit de deux décennies de choix et d'actions politiques. C'est une catastrophe bien préparée, non seulement par la sape organisée des systèmes de santé africains par les réformes néolibérales, mais aussi par la mobilisation décidée des acteurs publics et privés de la santé publique pour faire advenir une nouvelle ère, celle de la santé mondiale, ou Global Health. SAP organisait des systèmes de santé africains. Ce qui s'est passé en Afrique à partir du milieu des années 80, c'est une crise économique sévère, hein, liée à l'effondrement du prix des matières premières, et donc une crise économique des États qui étaient nés des indépendances et qui étaient des États qui s'étaient développés sur un mode, disons, des sortes de copie d'État-providence européen avec une fonction publique élargie et une présence publique dans l'agriculture, dans l'économie très importante. Et donc, à partir de la fin des années 80, face à une crise d'endettement, les organisations financières internationales, la Banque mondiale, le FMI, exigent des États africains des réformes radicales de leur organisation et en particulier des coupes radicales dans leur système scolaire, universitaire et leur système de santé. Et ça, c'est la potion magique de l'ajustement structurel, comme on appelait ça à l'époque. Et on sait que c'est un remède qui a été désastreux pour les populations africaines, avec une destruction littéralement des systèmes de santé. Et ça, tout le monde là-dessus est d'accord. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, à la Banque mondiale et au FMI, personne n'oserait défendre le commencement des choix politiques qui ont été faits à la fin des années 80 et qui ont eu un impact destructeur, y compris sur le plan sanitaire. Hein. L'épidémie de VIH-SIDA a aussi fait son lit hein, de cette crise un peu organisée des États africains dans les années 90. Or, on sait que Ebola, c'est une épidémie qui n'est pas du tout une épidémie qui explose facilement. Mais il faut des conditions bien particulières et il faut en pratique des systèmes de santé particulièrement défaillants pour avoir des épidémies de l'ampleur de celles qu'on a connues dans les trois pays. Est-ce que c'est le cas de la Guinée, Sierra Leone et Liberia ? C'est le cas de ces trois pays hein, qui étaient des pays particulièrement en difficulté avec en plus un contexte de crise politique et militaire et sécuritaire hein, qui a accentué encore ces tendances à la destruction. Mais Liberia et Sierra Leone, Guinée un petit peu moins, ont été vraiment des bons élèves de l'ajustement structurel. C'est des pays dans lesquels ces réformes ont été radicales avec énormément de personnel mis à pied dans les années 90, des personnels de santé mis à pied pour réduire les coûts, hein, c'est l'austérité avant l'heure. Et notamment, ce qui est intéressant, c'est les personnels qui ont été mis à pied, c'est les petits personnels, c'est les pas forcément les médecins, mais plutôt les personnels qui font le lien entre les populations et le système de santé. Et on sait précisément que c'est ce lien qui a fait défaut au moment de l'épidémie d'Ebola, avec une relation de défiance des populations envers les professionnels de santé et les humanitaires. Face au virus Ebola, le Canada va faire don à l'OMS d'une petite quantité d'un vaccin expérimental développé dans ses laboratoires publics. Seules 800 à 1000 doses de ce vaccin seront utilisées. Ce mardi, une commission d'experts de l'OMS a estimé qu'il était conforme à l'éthique médicale d'utiliser des vaccins non homologués pour traiter ou prévenir l'épidémie. Sur le terrain, les travailleurs des ONG, comme ceux du Comité international de la Croix-Rouge, ici en Guinée, continuent de travailler d'arrache-pied pour soigner les malades. Bertrand Raguez, la politique de la peur, est-ce que c'est ça que raconte Ebola depuis 1976 jusqu'en 2016, puisqu'en décembre 2016, l'OMS vient d'annoncer la découverte d'un vaccin sur la souche Zaïre. D'abord, est-ce une bonne nouvelle et est-ce que ça va changer la donne ? Ça va changer la donne, à mon avis, sur plusieurs niveaux. D'abord, vous savez que c'est une maladie qui, et c'est ça qui est extrêmement pernicieux quelque part, c'est un virus qui tue ceux qui veulent le combattre. C'est-à-dire que c'est vraiment les médecins, les infirmières, les responsables de la gestion des corps, qui sont eux-mêmes à risque. Donc, vu la transmission qui se fait par contact de liquide, ce sont ceux-là qui sont, entre guillemets, qui payent le plus lourd tribut. Donc, le vaccin qui a été développé permettra justement d'avoir une plus grande proportion de gens qui seront au niveau des premiers secours, au niveau des premières lignes, des médecins et des infirmières, qui seront protégés. Il y a eu des recherches préalables sur Ebola, mais c'était des recherches qui étaient basées uniquement sur Ebola étant une arme bactériologique. Et donc, les investissements étaient beaucoup plus des investissements, on va dire, non pas au niveau du ministère de la Santé de certains pays, mais plutôt, je parle des pays occidentaux et américains, mais étaient plutôt liés à la défense. On voulait synthétiser un peu la narration autour d'Ebola. En 40 ans, qu'est-ce qui s'est raconté dans le journalisme, dans la fiction, à travers les grands acteurs du monde de la santé, mais aussi des médias, voire des romanciers, autour de cette épidémie d'Ebola ? on a beaucoup raconté l'histoire d'Ebola, comme la menace qui vient de la forêt africaine, avec l'idée d'une transgression fondamentale qui est l'humain qui va manger un singe ou une chauve-souris, mais c'est surtout lié aux primates, comme ça. Donc il y a cette transgression qui est punie en quelque sorte par les dieux. Donc il y a cette composante mythologique là. On a beaucoup parlé aussi d'Ebola un peu au futur. C'est ok, Ebola, c'est dramatique, etc. Mais imaginez un Ebola qui se transmettrait plus facilement. Donc on l'utilise pour fantasmer encore plus. En plus de projeter beaucoup de fantasmes sur la description des épidémies elles-mêmes. Ce qui est étonnant dans tout ce qu'on a raconté, c'est qu'on a peu raconté ce qui était pourtant l'essentiel dès l'épidémie de 76. C'est qu'Ebola, c'est une épidémie qui utilise les structures de santé comme amplificateur. Hein, je ne sais plus exactement les chiffres, mais dans l'épidémie de 76, on a une bonne moitié des cas qui sont les malades et les bonnes sœurs du dispensaire. Parce que le virus saute très facilement d'un lien à l'autre avec les seringues, avec même des gestes plus banals que ça. Et du coup, le fait qu'Ebola ait une sorte de lien intrinsèque avec les systèmes de santé, ça, on en a peu parlé, alors que c'était ça, enfin, à mes yeux, hein, dans l'épidémie de 2014, c'était ça le principal problème. Mais est-ce que dans l'épidémie de 2014, le principal problème, c'était que ce virus qui réémerge en Guinée-Conakry, qui va en Sierra Leone, au Liberia, qui passe un peu au Sénégal, arrive en Italie, en Espagne et aux États-Unis? Et est-ce que parce qu'il est arrivé dans le monde occidental, tout d'un coup, l'OMS a déclaré urgence mondiale? S'il était resté dans l'Ouest africain, est-ce qu'il y aurait eu ce battage médiatique et cette mobilisation sanitaire? Du côté français, anglais, américain, il y a eu un effort. Une fois que ça a été décidé, il y a eu un effort vraiment important, financier, logistique. L'armée américaine s'est lancée là-dedans. Et je pense pas que les spécialistes, il faudra leur demander. Je pense pas qu'eux étaient fébriles, mais les opinions publiques si. Et je pense qu'il fallait effectivement faire quelque chose. Et la réaction américaine a été très très forte. Hein. C'est ça aussi qui a changé la donne. Et oui, le fait qu'il y avait cette perception que le risque pouvait concerner les populations occidentales a forcément joué. Après, l'échelle de la catastrophe dans les trois pays concernés était telle qu'on a du mal à imaginer une absence de réaction. Pourtant, c'est ce qui s'est passé pendant de longs mois. Bertrand Draguès, vous dirigez aujourd'hui Médecins sans frontières Belgique. Est-ce que vous êtes prêt pour la prochaine épidémie d'Ebola? Il faut savoir que cette épidémie qui nous a préoccupés pendant plus de 3 ans, j'espère qu'il n'y en aura pas une comme celle-là. Parce que personne ne peut dire qu'un jour, oui, il sera prêt à affronter ça. Maintenant, ce qu'on peut quand même dire, c'est qu'on a appris toute une série de leçons. On a capitalisé, si vous voulez, sur notre intervention. Et donc, ça aide, évidemment, dans la réflexion pour une prochaine épidémie. Mais il y a encore tout un travail d'écriture, ce qu'on appelle nos outils, nos guidelines, pour justement s'adapter. Et ça va parfois juste en termes du design, donc du schéma du centre de santé qui doit être adapté, que ce soit au niveau des messages anthropologiques, on en a déjà parlé, que ce soit au niveau plutôt des outils diagnostiques, etc. Donc on a appris, je dirais, une masse d'informations qui n'était pas le cas auparavant. Et donc tout ça va aider en effet à une prise en charge meilleure pour la prochaine épidémie. Ce que j'espère personnellement, c'est qu'il n'y en ait plus une d'une telle ampleur, et surtout que cette épidémie puisse, dans la tête de certaines organisations, de certains États, comprendre que c'est l'action, c'est agir à tout prix qu'il faut faire à ce niveau-là. C'est pas attendre et c'est pas donner des faux messages pour se protéger. C'est vraiment l'action qui doit être menée. Réflexion, oui, mais d'abord l'action et, entre guillemets, se mettre au service des populations en danger. Ebola, 40 ans d'épidémie. Avec Paul Constant, auteur du livre « Des chauves-souris, des singes et des hommes » publié aux éditions Gallimard, Livia Saavedra, qui a photographié des survivants, Bertrand Draguès, responsable de MSF Belgique, et Samuel Henrion, responsable du service de communication de MSF France, Cher Mbaye, manager au sein de l'ONG WAHA, Women on Health Alliance, Jean-François Delfrécy, directeur de l'Agence nationale de recherche sur le sida et coordinateur Ebola en 2014, et Guillaume Lachenal, maître de conférence en histoire des sciences à l'université Paris 7 Diderot. Merci à Pierre-Marie David pour l'enregistrement de la radio camerounaise. Extrait du documentaire « Ebola, ce n'est pas une maladie pour rire » d'Alain Eppelboin. La série documentaire, réalisation François Test, un documentaire de Michel Pomarède. LSD, la série documentaire à l'heure d'été, c'est fini pour aujourd'hui. Bibliographie, liens, replay et podcast contagieux, c'est sur la page de l'émission sur franceculture.fr et sur l'application Radio France. Et les pages, c'est Marivonne Abolivier, Mathias Méji et Anne-Lise Signoret. Vous pouvez aussi nous trouver sur Twitter et sur Instagram, n'hésitez pas à nous laisser des messages. Demain, troisième épisode, Zika, des moustiques et des hommes. Mais tout de suite, on retrouve Nicolas Martin pour son été en Antarctique.